إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours numéro 37 dans les dourous de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on a commencé la semaine passée le chapitre باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما c'est-à-dire celui qui cherche la baraka à partir d'un arbre ou d'une pierre ou quelque chose de ce genre. Et puis il faut se rappeler en même temps, juste au sujet de ce chapitre, c'est que par exemple si, juste pour faire un lien ou un parallèle ou un rapport entre ce que faisaient les mouchriquines et ce que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils font aujourd'hui, eh ben c'est que à l'origine des statues, soit qu'elles soient fabriquées en bois, donc elles viennent d'un arbre, hein, donc celui qui se cherche une baraka à part par exemple par une idole qui est sculptée dans du bois ou des choses comme ça. Donc c'est comme s'il cherche la baraka d'un arbre à l'origine, et celui qui cherche aussi à partir d'une statue qui est en pierre, donc c'est comme s'il cherche la baraka d'une roche en même temps, parce que la statue, si elle est faite à base de pierre, donc c'est une roche ou une pierre, et puis si c'est à base d'une statue en or ou en autre matière, c'est la même chose, il cherche la baraka de quelque chose qui est créé, et donc ça c'est, comme on a dit, shirk. Et aujourd'hui, on explique le hadith. La semaine passée, on a expliqué l'ayah, Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, dans Surat al-Najm. Et aujourd'hui, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et aujourd'hui, on explique le hadith qui a été rapporté dans ce chapitre. C'est le hadith que le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab mentionne. Il dit, wa an Abi Waqid al-Laythi, قال, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه والحديث صحيح دونك Ça c'est le hadith qui a été rapporté selon Abi Waqid al-Laythi, qu'il raconte l'histoire, il dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers Hunayn, c'était la bataille de Hunayn, et ils étaient nouveaux dans l'islam, ils venaient de quitter le kufr, ça faisait peu de temps. Alors, il dit que les mouchriquins avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes, et il l'appelait Zat Anwat, cet arbre-là. Et, C'est comme s'ils s'imaginaient qu'en accrochant leurs armes, leurs épées dans cet arbre, ça donnait à l'épée plus de force et plus de. Quand on frappe quelqu'un, ça frappe mieux, ça frappe plus fort, etc. Donc ils croient que cet arbre a ce pouvoir de mettre une baraka dans l'épée de la personne. Alors, étant donné que ces sahabas-là étaient nouveaux dans l'islam, ils ne connaissaient pas encore les détails du tawhid, alors ils ont dit, ô messager d'Allah, fais-nous, à nous, pour nous aussi, un autre arbre sur lequel nous aussi on va accrocher nos épées, comme ça, elles vont avoir plus de force, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Allahu Akbar, innaha sunan, c'est-à-dire, Allah est le plus grand. Vous êtes en train de suivre les mêmes exemples, les mêmes voies, les mêmes choses qu'est-ce que faisaient les autres peuples avant vous. Vous avez dit par celui qui tient mon âme en sa main, la même chose que ce que les fils d'Israël avaient dit à Moussa alayhi salam. Fais-nous une idole comme ceux-là ont une idole. Ou un objet d'adoration comme eux en ont une. Et certes, vous êtes un peuple qui est dans l'ignorance. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez embarquer et suivre les voies et les exemples de ceux qui sont venus avant vous. Ça, c'est le hadith. Et maintenant, on va aller à l'explication du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wa kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, ay ghazwati Hunayn. » وحنين اسم واد بين مكة والطائف وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ونصره الله على قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم وجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الدفاع عن أنفسهم فلم يمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحزم والسياسة أن ولي الأمر ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يبادر إلى ذلك العدو ولا يمهله وأبو واقد الليثي كان من الذين أسلموا في هذا العام ولهذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم أنهم كانوا جهالا لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ففقهاء عرفوا العقيدة ودرسوها. Donc le cheikh il explique, il dit qu'ils sont sortis pour la bataille de Hunayn. Et Hunayn c'est le nom d'une vallée qui est entre Mecca et la ville de Taif. Et la bataille de Hunayn a eu lieu à la 8e année après le Hijra. La 8e année après le Hijra. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la ville de Mecca et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire sur la tribu de Quraysh. Alors, les gens de Taif, pas de Taif mais de Hunayn, de Hawazin, ils ont eu peur pour eux-mêmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se tourner vers eux par la suite pour prendre cette région-là. Alors ils ont voulu commencer à, disons, attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille vers eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé et puis il est parti pour les attaquer. Et il leur a pas donné de répit. Et donc ça c'est, le cheikh il explique que c'est comme ça qu'il faut que le dirigeant soit, le dirigeant des musulmans, quand il voit que les koufars veulent attaquer les musulmans, automatiquement il doit, se diriger vers l'ennemi et puis ne pas lui laisser de répit, hein, quand il sait que l'ennemi a planifié d'attaquer les musulmans. Donc, ça c'est le commentaire du chef à ce sujet-là. Et après, il dit que Abu Waqid, il était parmi ceux qui se sont convertis à l'islam cette année-là. Hein, cette année-là, donc, il dit qu'ils sont sortis, il était sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, et ils étaient, hadith ou ahdin bi kufr, hudafa ou ahdin bi kufr, ça veut dire, ils venaient juste de quitter la mécréance. Leur islam était nouveau. Alors, la raison pourquoi le sahabi, il mentionne qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, c'est justement pour expliquer ou pour montrer qu'il avait une excuse, hein, qu'il est dans le fait que il était nouveau, il était ignorant, il n'avait pas encore étudié l'islam de la même façon que les autres sahaba qui avaient accepté l'islam depuis très longtemps et puis qui avaient étudié l'aqida et la religion en profondeur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là c'était des gens qui venaient juste de se convertir et ils n'avaient pas encore eu le temps d'apprendre l'aqida. Donc le cheikh il dit لم يتمكنوا من التفقه في العقيدة وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية ولم يتخلصوا منها بعد قال العلماء فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه قد يبقى في نفسه منها شيء فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا. Donc le chef il dit que ces gens-là étaient nouveaux, ils n'avaient pas encore eu le temps d'étudier comme il faut la religion et la croyance, et donc ils avaient encore certains aspects de la religion de l'ignorance avant l'islam qu'ils aimaient ou qui les attiraient un peu, hein, et ils n'avaient pas encore réussi à s'en débarrasser complètement, c'est-à-dire ils avaient encore des traces des idées de shirk qu'ils avaient auparavant, ils viennent de se convertir. Hein, c'est un peu normal en fait. Tu vois, des fois quand des gens, des chrétiens ou des juifs ou d'autres, des gens de d'autres religions, quand ils deviennent musulmans au début, ils ont encore des fois des idées qu'ils avaient auparavant. Tu vois. Et puis ça prend encore un petit peu de temps pour qu'ils apprennent comme il faut l'islam, pour qu'ils se débarrassent de ces idées-là. Donc c'est ça ce que le chef explique ici. Et donc, le chef il dit que les ulama ont dit qu'il y a donc dans ça une preuve qu'une personne lorsqu'il vit dans un contexte, dans un environnement qui est un peu, corrompu, que ça lui prend encore un peu de temps avant de se débarrasser de qu'est-ce qui est en lui, des effets ou des traces de cet environnement-là. Et lui, ce sahabi, il venait d'un environnement de shirk, et il venait de se convertir. Cheikh dit هذا وهذا دليل على آفة الجهل وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل وفي الحث على تعلم العقيدة وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقولون لماذا تدرسون العقيدة وهم مسلمون يا سبحان الله المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه ومن أجل أن يحفظ دينه. هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا. ففي هذا دليل على وجوب التعلم العقيدة الصحيحة ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات حتى يكون الإنسان على حذر منها. Donc le cheikh il dit qu'il y a une preuve ici que l'ignorance c'est un grand problème, un grand danger en réalité. Et qu'un être humain peut tomber dans le shirk à cause de son ignorance. Et donc, ça c'est pour, en même temps, il y a dans cette histoire-là quelque chose qui nous incite à apprendre et à étudier et à connaître notre religion, notre aqida avec une compréhension correcte, de peur ou de crainte de tomber dans la même chose que ces gens-là sont tombés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le cheikh il porte un, disons notre attention sur l'idée de certains aujourd'hui qui disent que yani c'est pas très important d'étudier ou d'enseigner le sujet de la croyance ou de al-aqida. Ils disent que on est déjà musulman, donc pas besoin d'apprendre al-aqida. Tu comprends? Ils pensent que l'aqida c'est pas nécessaire parce qu'on est déjà musulman, on connaît déjà l'islam et la croyance de l'islam. Et donc le cheikh il dit subhanallah, comme si il dit ya subhanallah, c'est comme il est étonné que des gens disent des choses comme ça, hein. Il dit que les musulmans ont plus, sont plus en besoin et ont plus besoin d'apprendre l'aqida que les autres pour que leur islam soit correct et valable et acceptable par Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour que le musulman soit capable de préserver sa croyance. Parce que regardez, ceux-là, ils étaient musulmans. C'est-à-dire les sahaba qui ont dit ça, ou ceux qui ont demandé d'avoir un arbre pour accrocher leurs épées comme les mouchriquins, ils étaient des musulmans. Les gens qui avaient dit « La ilaha illallah », hein. Et malgré tout, ils sont tombés dans cet exemple de shirk, ou bien dans cette ignorance-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas étudié. Donc si c'est arrivé à des gens qui sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors comment on peut penser que nous, on peut être à l'abri de tomber dans ce même genre d'erreur? Donc si c'est le cas, il faut donc comprendre qu'il faut donner à ce sujet-là la plus grande importance. D'accord? Le cheikh dit Safi Hanazalil, donc il y a dans ça la preuve qu'il est obligatoire d'étudier la bonne croyance. Et le cheikh il dit que aussi, il y a aussi l'obligation d'apprendre ceux qui s'opposent à cette croyance, de, des choses qui font partie du shirk, ou des innovations, ou des superstitions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein, c'est pas juste apprendre la bonne aqida, mais aussi il faut apprendre qu'est-ce qui oppose cette aqida-là, pour être capable de faire des, disons, de comprendre. C'est pas juste de dire, ah, je sais ce qui est bien, ça y est, ça suffit. Parce que des fois, si tu connais pas le mal, tu peux tomber facilement dans le mal. Et on a donné beaucoup d'exemples de ça, comme par exemple la parole de Hudayfat ibn al-Yaman, et ainsi de suite. Donc ça c'est important. Après le cheikh il dit, حتى يكون الإنسان على حذر منها وما وقع اليوم عند عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل يظنون أن هذا من الإسلام فهذه مصيبة عظيمة. حتى سمعنا أن بعض الدعاة يدعون في أمريكا وفي غيرها إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر وكونه يبقى على كفره أخف من كونه ينتقل إلى كفر يسمى باسم الإسلام. Le cheikh il dit, donc le but d'apprendre la bonne aqida et d'apprendre ce qui s'oppose à cette aqida, c'est de prévenir pour que le musulman soit capable de faire attention, hein, de pas tomber dans les erreurs. Et il dit que ce qui est arrivé aujourd'hui chez les gens qui ont commencé à adorer les tombeaux et qui ont adoré les tombes, etc., des choses de ce genre aujourd'hui parmi les adorateurs des tombes, tout ça c'est arrivé uniquement à cause de l'ignorance, ok, de leur part. Et ils croient que ce qu'ils font, ça fait partie de l'islam. Et ça c'est le plus grand malheur, c'est ça le plus grand malheur. Il dit le cheikh qu'on a même entendu que certains parmi les douates aux États-Unis et ailleurs, ils appellent à la religion des soufis, hein, et à la religion des adorateurs des tombes. Et La ilaha illallah. Le chef, il dit, regardez, ils sont aux États-Unis, ils appellent les koufars, des chrétiens, des juifs, des athées ou autres, à rentrer dans la religion du soufia et des adorateurs des tombes. Donc, le chef, il dit, ils les ont donc fait sortir d'un coffre pour les amener vers une autre forme de coffre différente, mais qui reste toujours le coffre. Hein? C'est comme si quelqu'un est chrétien et devient hindou. Ou quelqu'un qui est chrétien devient bouddhiste. Ou un juif qui devient, je sais pas, athée. Il y a une histoire d'un coffre pour aller vers un autre coffre. Ok? Donc, ces gens-là, le cheikh, il dit, c'est ça ce qu'ils font. Ils sortent de leur religion qu'ils avaient avant, soit le christianisme, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou le judaïsme, ou l'athéisme, ou autre, et puis ils rentrent dans, soi-disant, le soufisme et l'adoration des tombes. Hein. Donc ils sortent d'un coffre vers un autre coffre, et le cheikh il dit, le fait qu'ils restent dans leur coffre original, c'est moins pire que de les voir rentrer dans un coffre auquel ils donnent le nom de l'islam, ou qu'ils appellent islam. Un coffre, soi-disant comme que c'est l'islam, mais alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, le cheikh, c'est ça ce qu'il dit. C'est pour nous faire comprendre en même temps que c'est ça ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas comme il faut les bases de la croyance islamique correcte. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Tu sais, ici, par exemple, au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Europe, quand des gens rentrent avec les soufis et avec les kouburiyas, peut-être la raison pourquoi ils ne voient pas les manifestations de shirk chez certains soufis ici, directement dans les tombes, parce que il n'y a pas, soi-disant des shoyukhs soufis enterrés, au Canada ou, je sais pas moi, aux États-Unis, où ils vont aller faire le tawaf, où ils vont aller faire des formes de ibadat à ces tombeaux-là. Toutefois, quand ils font des voyages, soi-disant des pèlerinages ou des voyages organisés vers les pays musulmans où il y a ces choses-là, c'est là qu'ils voient les manifestations de ça. D'accord? Tandis que des fois, quand ils sont ici, les soufis, quand ils parlent aux gens, ils leur parlent des choses en théorie seulement. Et ils leur disent pas, ou ils leur montrent pas réellement la réalité de tout ce qu'ils font d'égarement. Puis c'est petit à petit qu'ils les introduisent dans l'égarement. Cheikh dit, wa qawluhu wa lil mushrikina sidra ya'kifuna 'indaha al-'ukuf huwa al-baqa fi al-makan. Al-'ukuf huwa al-baqa fi al-makan. Yuqal i'takafa fi al-makan idha qala al-julus fihi. إذا طال الجلوس فيه واعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة. Donc le cheikh il explique que les mushrikines ils avaient un arbre sur lequel ils laissaient leurs arbres ou ils accrochaient leurs arbres et le terme qui est utilisé ya'kufun c'est un terme qui vient du mot al-ukuf et ça veut dire de rester dans un endroit. Comme quand on dit un takafa, hein, il est resté dans un endroit quelconque, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps assis à cet endroit-là. Ou bien quand on parle de faire al-i'tikaf, hein, faire al-i'tikaf dans la mosquée, c'est-à-dire que tu restes dans la mosquée pour adorer, pour faire des adorations. Et après il dit, yanutuna biha aslihatahum, an-naut ou an-naut, huwa al-ta'liq. وغرضهم من هذا العكوف والنوت التبرك بهذه الشجرة. شيخ الذكر ils accrochaient leurs épées sur cet arbre et le mot qui est utilisé c'est yanmutun et ça veut dire qu'ils les accrochaient là. Et le but pour lequel ils les accrochaient ces épées là dans ces arbres c'était pour obtenir une baraka, une bénédiction soi-disant de cet arbre. شيخ دي فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أعجبهم عمل المشركين فظنوا أن هذا عمل سائر وهم يحرصون على تحصيل البركة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أصلحتهم أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء يظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات. فهذا فيه دليل على وجود الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. لشيخ الزي on a dit au messager du prophète صلى الله عليه وسلم fais-nous un arbre comme eux ont un arbre sur lequel ils accrochent leurs épées, comme ça nous aussi on va pouvoir accrocher nos épées pour avoir soi-disant une baraka pour nos épées. Et donc ils ont trouvé que les actions des mouchriquines, cette action-là qu'ils avaient fait, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de bon. Et ils ont cru que c'était quelque chose de correct à faire. Donc ils ont un intérêt où ils cherchent vraiment à arriver à obtenir une baraka. Hein. Ils veulent vraiment arriver à obtenir la baraka. Si c'est possible, ils vont chercher les moyens possibles pour y arriver. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire, de leur choisir un arbre pour accrocher leurs armes pour obtenir la baraka. Mais regardez leur attitude avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les sahaba comment ils agissent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, ils ne sont pas arrivés pour dire wa alaykum salam, Omar ça va, alhamdulillah. Ils ne sont pas allés d'eux-mêmes pour aller mettre leurs épées sur n'importe quel arbre pour dire on va faire comme eux et de le faire tout de suite. Ils sont avant tout, ils sont allés voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est permis, est-ce que tu peux nous choisir à nous aussi un arbre comme ça, pour montrer que ils vont pas faire quelque chose d'eux-mêmes, mais ils vont toujours passer avant tout retourner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si c'est correct ce qu'ils font. Donc on voit quand même qu'ils ont peur d'avancer vers quelque chose sans avoir une preuve ou une référence. Et c'est ça ce que le chef explique, il dit, ça nous montre que le musulman, lorsqu'il trouve quelque chose de bon, ou lorsqu'il trouve que quelque chose est beau, hein, que ce soit quelque chose que les koufars font, que ce soit les chrétiens, ou les juifs, ou les athées, ou les autres gens qui ne sont pas musulmans, quand ils les voient en train de faire quelque chose, et qu'il trouve que c'est quelque chose de bon, il ne va pas tout de suite dire ça y est, on va le faire. Avant, il retourne au Coran, à la Sunna, et aux ulama pour leur demander est-ce que ça c'est bien, est-ce qu'on peut le faire dans l'islam ou non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, surtout de nos jours, étant donné qu'on est tellement proche et mélangé avec les koufars que chaque fois qu'on trouve que les koufars font quelque chose de qui nous paraît bon, tout de suite on veut aller pour le faire nous aussi. Et on ne pense même pas à demander ou à retourner est-ce que c'est permis. C'est comme, il y a quelqu'un une fois qui m'avait appelé pour me poser la question, et pour me poser des questions en général sur l'islam, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que pour les musulmans c'est permis, par exemple, de quitter les pays musulmans pour venir vivre ici, est-ce que c'est permis? Et j'ai dit, est-ce que vous avez demandé avant de venir la permission ou la fatwa des ulama là-dessus? Et la personne m'a répondu, m'a dit, mais je suis adulte et vacciné, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un pour choisir ou pour prendre une décision. Donc ça c'est les gens qui pensent comme ça, c'est eux les gens qui tombent toujours dans des problèmes dans leur religion, parce qu'ils s'avancent vers des choses sans demander le conseil, sans demander le verdict de la religion, le verdict d'Allah et du messager sur cette question-là. Et puis après, ils tombent dans les problèmes. Puis quand après ils sont tombés dans les problèmes, là, ils vont appeler les chouliouks ou les ulama ou les imams pour demander c'est quoi la solution pour m'en sortir de ce problème. Mais si au début ils étaient allés demander du premier coup au ulama, est-ce que ça c'est correct, est-ce que ça c'est pas correct, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça, ça leur aurait évité tous ces problèmes-là en partant. Donc c'est pour ça, toujours retourner au ulama. Des fois il y a des gens qui voient que les kuffars ont inventé par exemple un système ou un programme ou n'importe quoi. Tout de suite ils disent, ah nous aussi on doit faire ça dans nos pays, ou on doit faire ça chez nous, ou on doit, hein, comme si automatiquement. Mais si on demande aux ulama, eux les ulama ils vont juger cette chose-là selon les règles du Coran et de la Sunna pour nous dire si dans ces choses-là il y a des bonnes choses, peut-être qu'il y a des choses mauvaises qu'on ne peut pas voir à cause de notre manque de connaissance du Coran et de la Sunna. Parce que des fois tu sais qu'est-ce qui se passe, c'est que tu dis à quelqu'un comme cette personne qui m'a répondu de cette façon, yani, peut-être qu'elle a lu le Coran au complet cette personne, sauf que elle n'a pas vu dans le Coran les règles et les explications à ce sujet-là. Donc elle s'est dit, ah ben c'est permis dans ce cas-là. Sauf qu'elle ignore qu'il y a des choses, soi-disant, il y a des versets dans le Coran qui parlent de ce sujet-là en détail. Mais elle n'a pas compris parce qu'elle n'est pas retournée aux explications du Coran. Et en plus, il y a des hadiths qui parlent de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, quelqu'un, il s'imagine qu'il a compris l'islam. Il pense que ça y est, il a compris en lisant, c'est-à-dire il a lu le Coran, il a lu quelques hadiths, ça y est, il pense qu'il est au niveau des ulama. Les ulama, c'est un autre niveau. Ils ont une connaissance détaillée de la religion et des règles de la religion. C'est pas pareil. D'accord? Donc, eux, ils voient des choses dans le Coran et dans la Sunna qui sont là, mais que nous, on ne voit pas à cause de notre ignorance, du fait qu'on n'a pas une connaissance assez approfondie des principes de la charia. Tandis que eux, ils ont étudié cette science. C'est comme je pourrais vous dire, quelqu'un qui a lu, qui a une encyclopédie médicale dans sa bibliothèque, puis qui l'a lu, puis un médecin. Quelqu'un qui a lu une encyclopédie médicale, il sait quelques détails sur certaines maladies, puis les symptômes, puis des trucs comme ça. Mais le médecin, lui, c'est pas pareil. Sa connaissance de la médecine est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus détaillée. Hein? Donc, c'est ça la différence entre les ulama puis les musulmans, disons, qui ont juste une petite connaissance générale de la religion. Ok? Ouais, mais ça, c'est, les ulama des gens de Bid'a sont pas des références pour les musulmans. Tu comprends? Ouais, ça c'est pour eux, mais bon, ils ont des fondements déjà, en partant leurs fondements ne sont pas les mêmes que les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc, leurs références sont tout à fait différentes que nos références à nous. Donc, comme les ulama des Rafida sont pas considérés des ulama pour nous. Tu comprends? Ça c'est un exemple. Bon, quoi d'autre encore? Ok, donc c'est ça, il faut retourner au Coran et à la Sunna, il ne faut pas se précipiter pour dire ça y est, moi j'aime ça, je vais le faire. Après le Cheikh dit, وفي هذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة. Il y a aussi la preuve qu'il faut retourner au Coran et à la Sunna dans les choses qui ont rapport avec l'adoration. Hein, cette chose-là, elle avait rapport avec la religion et l'adoration. Donc ça c'est la preuve qu'il ne faut pas se baser sur qu'est-ce qu'on considère nous-mêmes comme étant bon pour dire qu'il faut le faire. Et ça, ça répond en même temps à ceux qui disent qu'il y a des bonnes bid'ahs, hein, des bid'ahs hasana. Parce que toi tu considères que quelque chose est bon, alors tu t'imagines que c'est acceptable et que c'est bon. Peut-être que c'est juste toi qui vois que c'est bon alors que c'est pas bon en réalité. Hein. C'est pour ça, parce que si c'était bon, Allah et son messager nous l'auraient enseigné. Ça c'est clair. D'accord? Et peut-être que toi tu vois du bien, et que tu vois que c'est bon, alors qu'en réalité il y a du mal que tu vois pas dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et peut-être que tu vois quelque chose de bon. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Peut-être que vous voyez vous aimez quelque chose, alors que c'est mauvais pour vous. Peut-être que vous détestez quelque chose, alors que c'est bon pour vous. Hein? Donc c'est ça ce qui se passe. Souvent les gens disent, ah ça c'est quelque chose de bon, alors que c'est même pas bon, mais pour lui il est bon. il pense que c'est bon. C'est pour ça Abdullah ibn Mas'ud il disait kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Toutes les bid'a sont des égarements, même si les gens voient que, pensent que c'est bon. OK? Donc alhamdoulillah à ce sujet-là, il ne faut pas se baser sur nos impressions ou ce qu'on pense être bon, mais il faut retourner aux preuves. Et parce que les adorations sont tawqifiyah, c'est-à-dire on doit s'arrêter pour les adorations au Coran et à la Sunna, aux preuves des textes. فقوله وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة نعلق بها أصلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب وكبر الله صلى الله عليه وسلم تنزيها لله سبحانه وتعالى عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا أنه يسبح أو يكبر. Le cheikh il dit, puis après on a dit au messager d'Allah, au messager d'Allah, choisis-nous un arbre pour qu'on accroche nos armes dessus, nos épées dessus, c'est-à-dire une arme pour la baraka, un arbre pour la baraka, etc. Ou pour qu'on s'assoie près de cet arbre, pour avoir une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu Akbar, inna sunan, c'est-à-dire, oh Allah est le plus grand, voici les exemples que vous suivez des gens qui étaient avant vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché quand il a entendu ça. Et il s'est étonné et il a fait le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, pour montrer son étonnement et pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala de cet exemple d'action qui est contraire à l'islam. Et ça c'est parmi les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque quelque chose l'étonnait, ou lorsqu'il voulait dénoncer ou critiquer quelque chose, pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec quelque chose, souvent il faisait ça. Soit il disait Allahu Akbar, ou il disait Subhanallah, ou des expressions comme ça pour montrer son étonnement, ou le fait qu'il désapprouvait quelque chose. إنها السنن أي الطرق المسلوكة أي أن السبب الذي أوقعهم في هذا هو التشبه بما عليه الناس فالتشبه بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم آفة خطيرة من تشبه بقوم فهو منهم وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة أغلبه من جهة التشبه بالكفار أول ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز ومن ذلك الوقت فشى الشرك في أرض الحجاز فهو أول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهذه هي الآفة وهذه هي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الفي voilà les voies et les choses que les gens suivent les exemples que les gens ont suivis avant vous êtes en train de faire la même chose qu'eux et c'est ça qui a fait tomber beaucoup de monde dans l'égarement et dans le shirk de le fait qu'ils imitent les koufars. Ok? Qu'ils imitent les koufars et ce que les koufars font. Donc, d'imiter les koufars dans leurs habitudes et dans leurs traditions, ça c'est quelque chose de très dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Il devient un des leurs. Et la plupart de ce qui atteint les musulmans aujourd'hui de choses laides et mauvaises dans le monde musulman aujourd'hui, la plupart de ces choses-là, c'est dû au fait que les musulmans ont imité les koufars. Ils ont imité les koufars. Soit ils les ont imités dans leur tradition, dans leurs habitudes particulières, qui sont particulières à eux, ou dans leurs adorations également. D'accord? Et donc ça c'est interdit pour les musulmans d'imiter les kuffars. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y en a des musulmans aujourd'hui, ils n'aiment pas entendre ça quand tu dis il ne faut pas imiter les kuffars. Ils disent ah mais qu'est-ce que tu racontes, ils nous ont amené la technologie, ils nous ont amené les ordinateurs, ils nous ont amené toutes sortes de choses. Comment tu nous dis de ne pas imiter les kuffars? Comme le chef il va l'expliquer, ça ne veut pas dire que tu ne profites pas des bienfaits de la technologie. Ça c'est des choses qui sont générales, qui n'ont pas rapport avec, disons, la religion. D'utiliser les bienfaits de l'électricité ou de la technologie, des trucs comme ça. Tant que tu l'utilises dans le halal, il n'y a pas de problème. Nous, quand on dit de ne pas imiter les kuffars, ça se rapporte à qu'est-ce qui touche à notre religion, qu'est-ce qui touche à notre façon de vivre selon l'exemple des prophètes d'Allah. Les prophètes d'Allah. Donc, c'est ça ce que le cheikh a expliqué. Et il a donné l'exemple comment même le shirk est apparu parmi les croyants. Les premières manifestations de shirk sont arrivées chez les croyants à cause de l'imitation des kuffars. Et il donne l'exemple du shirk, comment il est apparu à Mecca. On sait que Mecca, que Ibrahim alayhi salam, il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl, et il l'a construit pour l'adoration du Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait pas rien d'autre qui était adoré à la Kaaba, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, les générations d'après, ils ont continué là-dessus, sur le tawhid, et le cheikh il dit jusqu'à ce que Amr ibn Luhay, c'était une des personnes qui venait de cet endroit-là, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des idoles qu'il a vues en Syrie. Quand il est allé en Syrie, il a vu des gens qui se prosternaient à des idoles. Alors, il a trouvé que c'était bien, et il les a fait venir avec lui à Mecca. Et c'est comme ça que le shirk et l'adoration des idoles a été réintroduit. Peut-être pas réintroduit, mais introduit pour la première fois à Mecca à cause de Amr ibn Luhay. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est pour dire qu'à l'origine, c'est le fait qu'il a trouvé qu'est-ce que les mouchriquins faisaient était bon, il a voulu les suivre là-dedans. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans. Les musulmans ils voient les koufars, ils voient les choses que les koufars font, ah oh, oui ça c'est bon ça c'est bien ça. Là ils commencent à vouloir dire oh, on va faire la même chose. Et ils réfléchissent même pas, ils regardent même pas le Coran et la Sunna, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, non. Ils aiment quelque chose que les koufars font, ils veulent le faire absolument, à tout prix, même si c'est ridicule même parfois. Les koufars ils mettent des oreilles ici, dans les oreilles, dans le nez, partout, ils disent ah ok on va le faire. Ils mettent leurs cheveux bleus, ils vont mettre leurs cheveux bleus. Ça c'est juste des exemples, des choses de la dunya que ces gens-là imitent parfois, les jeunes, en particulier les jeunes. Oui. Ouais. C'est ça. Maintenant, le pire, comme je disais à des frères il n'y a pas longtemps, c'est, avant c'était des gens qui pratiquaient pas l'islam, disons qu'ils voulaient imiter les koufars dans certaines choses que les koufars font. Maintenant même les gens qui soi-disant se revendiquent de l'islam et qui revendiquent qu'ils font la da'wah et qu'ils appellent à la religion, ils veulent essayer de faire de chaque chose que les koufars font une version et ils l'appellent islamique pour essayer de le rendre halal. Ok? Par exemple, les koufars ils font de la musique et ils font de la musique halal. Ils ont du rap halal, des chanteurs halal. Ils appellent ça anashid. Ok? Et les koufars ils ont la démocratie. Maintenant ils ont fait la démocratie islamique. Ou bien ils l'appellent des fois la shurakratie. Faut essayer. Le tatouage ça c'est haram. Là ça devient à la mode chez les koufars. Les musulmans ils veulent imiter ça. Mais ça c'est autre chose parce que moi là je parle des gens qui veulent dire soi-disant au nom de l'islam. Comme les maillots de bain. Maintenant ils font des maillots de bain pour les femmes. Des maillots de bain soi-disant islamiques, ok, pour que les femmes aient dans la piscine, Oui. Donc c'est pour ça que je te dis, maintenant c'est encore plus grave, parce que des gens font des choses soi-disant au nom de l'islam, soi-disant pour l'islam, et ils font juste rajouter devant islamique pour le rendre halal. Le théâtre, les koufars font le théâtre, mais ils font maintenant du théâtre islamique. Ils font des cinémas, des films, maintenant ils veulent faire des films islamiques. Et n'importe quoi. Et en grande partie ceux qui sont à la base de ça, qui sont derrière ça, c'est les Ikhwan al-Muslimin. Les groupes de Ikhwan al-Muslimin ou des gens qui sont reliés à ce mouvement-là. C'est toujours eux qui sont derrière ça. Ils sont partout dans le monde. C'est international. Mais c'est eux toujours qui sont, disons, c'est comme un pont entre le mode de vie des koufars et les musulmans. Eux, ils font toujours un pont pour essayer d'amener les musulmans à s'éloigner de la sunna et à suivre l'exemple des koufars, au nom de l'islam. Il y a parmi eux, il y a tout. Il y a des soufis, ils acceptent tout le monde. Hein, il n'y a pas de règles limites à leur sujet. Tout le monde est bienvenu dans leur secte. Donc, ça c'est juste un point en passant pour faire comprendre le danger de suivre l'exemple des koufars. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, voilà l'exemple de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ça veut dire vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens pas à pas shibran bi shibran shibr je pense que c'est la longueur d'une main zira c'est le bras vous allez les suivre pas à pas comme ça jusqu'à ce que au point à un point tel que s'ils rentraient dans ils voulaient rentrer dans le trou d'un lézard vous allez vouloir les suivre vous aussi là-dedans. C'est à quel point vous allez vouloir les suivre. Alors aujourd'hui, c'est ça ce qu'on remarque chez les musulmans. Ils veulent suivre pas à pas l'exemple des koufars, parmi les juifs et les chrétiens. Et ça, c'était prédit. C'est un signe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah, réellement. Parce qu'il a prédit quelque chose dans l'avenir qui allait se produire et c'est en train de se produire. Donc, c'est une preuve, min dala'il al-nubuwa. Ça fait partie des preuves de la prophétie du prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ça c'est pas pour dire que tous les musulmans vont suivre les koufars et les juifs et les chrétiens, mais pour dire qu'une grande partie vont les suivre. Toutefois, il y a toujours une portion de la Ummah qui ne vont pas les suivre, qui vont rester fermes sur la vérité. La tazal ou ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Donc il y a toujours un groupe de la Ummah qui ne vont pas suivre leur exemple, qui vont rester accrochés à ce qu'ils possèdent, ils ne vont pas se laisser influencer ou touché par qu'est-ce que ces gens-là ont fait, hein, alhamdulillah. Donc, le cheikh, il continue, il dit, ثم بين خطر هذه المقالة فقال قلت والذي نفسي بيده قلت والذي نفسي بيده أقسم صلى الله عليه وسلم ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق. Donc, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié le danger qu'il y avait dans cette demande de ce sahabi de faire un arbre comme ceux des mushrikines pour les musulmans. C'est exactement ça, exactement la même chose. On dit les mushrikines ils ont un arbre, eux ils accrochent leurs arbres dedans. Nous on veut faire un autre arbre pour qu'on accroche aussi nos arbres dedans pour la baraka, mais ça va être un arbre islamique. Eux leur arbre c'est un arbre de shirk, nous on veut un arbre islamique pour accrocher nos arbres. Ça va être la même chose que eux, sauf qu'on va dire que c'est islamique. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Faire que, même chose que qu'est-ce que les koufars font, islamique. Hein? Ben, actuellement, je sais pas, moi, il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Hein? En ce moment. Peut-être dans le passé, à une certaine époque, il y a beaucoup de choses que, à une certaine époque, les musulmans ont influencé les koufars. Et à cause de ça, aujourd'hui, ils suivent ces choses-là. Toutefois, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme on dit, d'habitude, c'est celui qui voit il demande, l'aveugle, il demande à celui qui voit pour lui montrer le chemin, parce qu'il est aveugle, il ne peut pas marcher sur le chemin. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les aveugles qui guident ceux qui voient. Tu vois? Parce que les musulmans, c'est eux qui ont la vision, ils ont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna. Et les kuffars, c'est les aveugles, parce qu'ils sont dans l'égarement, ils ne connaissent pas la vérité. Au lieu d'être nous ceux qui sommes en train de les guider vers la vérité et de leur montrer le droit chemin, c'est nous qu'on est en train de leur demander « montrez-nous le droit chemin et la guidance ». Mais c'est des aveugles, où est-ce que vous pensez qu'ils vont nous amener? Hein? Donc c'est ça le malheur d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette parole-là, il a juré par Allah, il a dit « par celui qui tient mon âme en sa main ». Et donc ça prouve qu'on a le droit de jurer lorsqu'on donne une fatwa, hein, lorsqu'on est certain qu'on a atteint la bonne ou qu'on a trouvé la bonne réponse sur un certain sujet. Parce qu'une fatwa c'est quoi? La signification d'une fatwa c'est quoi? C'est d'informer quelqu'un du verdict d'Allah et de son messager. C'est ça la fatwa. Tu dis à quelqu'un ce que Allah et le messager ont dit à propos d'une chose. Ça c'est la définition d'une fatwa. Donc, le cheikh il dit ensuite, كما قالت بنو إسرائيل قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه عادة قديمة في العالم وعليكم السلام ورحمة الله وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام وذلك أن الله لما نجى بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه مروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتوحيد هذا كما ذكرنا يجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة وأن لا يكتفوا بقولهم نحن مسلمون نحن في بلاد إسلام نحن في بيئة إسلامية كما يقوله الجهال الذين يثبتون عن تعلم العقيدة ففيه آفة الجهل. الشيخ يقول donc ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens-là, par celui qui tient mon âme en sa main, vous avez dit la même chose que le peuple de Moïse ont demandé à Moïse lorsqu'ils sont passés près d'une idole, fais-nous une idole comme eux ont une idole. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les fils d'Israël de Pharaon, ils sont passés, ça c'était à l'époque de Moussa, donc ça veut dire, le cheikh dit ça fait quelque chose, c'est très ancien, c'est pas nouveau que les croyants tombent des fois dans l'erreur de suivre les mouchriquins, enfin, ça existait pas juste yani, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça existait même dans les autres époques avant nous, chez les autres peuples avant nous. Et donc, lorsque Allah a sauvé Moussa de Pharaon, avec son peuple, et qu'il a fait noyer Pharaon et son peuple, et qu'il a sauvé Moussa et son peuple, ils sont passés auprès d'un peuple qui était assis près d'une idole et qui adorait une idole. Alors ils ont dit à Moussa, fais-nous à nous aussi une idole comme eux ont une idole. Donc ils ont demandé à Moussa de leur faire une idole pour qu'ils puissent l'adorer comme eux sont en train d'adorer leur idole. Et Moussa alayhi salam a dit, certes vous êtes un peuple ignorant. Et la raison donc qui les a fait tomber dans ce genre d'erreur-là, c'est leur ignorance du tawhid. malgré comme on avait dit tout à l'heure que c'était des sahaba et qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des, ils étaient des nouveaux convertis. Ils n'avaient pas encore appris les détails de la religion et les fondements du tawhid, donc ils étaient encore dans beaucoup d'ignorance en ce qui concerne la réalité de l'islam. Et donc, à cause de leur ignorance du tawhid, ils ont demandé quelque chose de ce genre. Et donc ça, ça nous montre l'obligation pour les musulmans aujourd'hui d'apprendre leur aqida et de ne pas se limiter à dire on est déjà musulman, hein, et on est dans un pays musulman ou dans un environnement musulman. Hein, ça, c'est qui dit ça? C'est les ignorants. Ils disent des choses comme ça. Pas besoin d'apprendre l'aqida, on est musulman, laisse-nous tranquille avec l'aqida, on ne veut pas entendre parler de ça. Il y a certains musulmans qui disent des choses comme ça. Apprenez l'aqida aux non-musulmans, pas aux musulmans. Hein? Donc ça c'est dangereux en réalité. Et ça c'est l'ignorance. Ça amène les gens dans l'ignorance. Et si c'est le cas, qu'est-ce que le cheikh explique? Si c'est le cas dans les pays musulmans, qui nous montre l'importance d'apprendre l'aqida, la bonne aqida dans les pays musulmans pour pas tomber dans le shirk et dans les exemples d'égarement, alors imaginez à quel point ça doit être encore plus important pour les musulmans d'étudier la bonne aqida dans les pays non musulmans, et en particulier les enfants. Hein? Aujourd'hui, il y a une femme qui m'a téléphoné, hein? Elle pleurait au téléphone parce qu'elle a deux filles, deux petites filles, et puis qu'elle attend une troisième. Et puis elle pleurait parce que elle dit, j'ai tellement peur pour mes enfants de les élever ici. Quand je vois les filles, comment elles vivent ici, comment elles sont élevées, comment elles sont quand elles vont à l'école et tout ça. Elle avait peur à cause de ça. Elle avait peur à tel point qu'elle me demandait est-ce que c'est permis de faire l'avortement. Alors je lui ai expliqué que, bien entendu, c'est pas permis de faire l'avortement. Et je lui ai expliqué l'importance de donner aux filles et aux garçons une bonne éducation islamique, de leur apprendre leur religion et leur, hein. Mais ça, c'est si tes enfants vont pas tomber dans, parce que souvent on pense au péché. On a peur que nos enfants, filles ou garçons, tombent dans des choses de haram, qu'ils perdent l'honneur. Et ça, c'est s'ils perdent pas leur foi au complet, hein, leur iman. Parce qu'à l'école, ils vont apprendre la théorie du Big Bang, le darwinisme. Ils vont apprendre toutes sortes d'autres idéologies. Et le prof, peut-être que c'est un mulhid, kafir, quand même pas ni en Dieu, ni en rien, ni au paradis, ni à l'enfer. Et les enfants qui sont autour de tes enfants, eux aussi ils croient pas en ça. Et leurs parents non plus. Donc, tu les jettes au milieu de ces enfants-là, de ces gens-là, qui croient en rien, et tu espères que par la suite ils vont sortir salimés, hein, correct, avec une bonne aqida, une bonne iman et tout. Et allez, même s'ils vont faire même si ces enfants-là vont faire ce que toi tu fais, parce que soi-disant c'est culturel ou bien que ça a rapport avec ta tradition, est-ce qu'ils vont y croire réellement comme il faut s'ils n'ont pas de connaissances? C'est impossible. C'est impossible qu'ils y croient comme il faut s'ils n'ont pas de connaissances. Et pour avoir cette aqida et pour la garder, il faut la connaître en premier, et puis il faut connaître les arguments pour répondre et réfuter à toutes les shubuhat et les attaques qui sont lancées par ces gens-là qui sont les ennemis de la foi. Hein? Mais bon, ça fait de shayla yanti. Si les parents ils savent pas eux-mêmes les réponses à ces choses-là, comment ils peuvent les enseigner à leurs enfants, d'accord? Et ils éloignent leurs enfants de venir à la mosquée. Et s'ils viennent à la mosquée, ils les éloignent d'écouter des durus comme nos durus ici, hein, pour différentes raisons, Allahu a'lam. Donc c'est pour dire, comment vous espérez qu'ils vont s'en sortir, hein? Et quand on va de plus en plus à des musulmans, quand on rencontre des jeunes musulmans qui sont dans la société ici, on remarque l'islam est d'un côté, puis eux ils sont très très loin de l'islam. Donc c'est pour ça que, comme le chef explique, il faut absolument concentrer sur cette aqidah. C'est la base de cette religion. Après le chef il dit, ففيه آفة الجهل وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله عز وجل وهذه خطورة عظيمة لا ينجي منها أو لا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة والتأكد منها وتدريسها وتكرارها على الناس وتعليمها للناس ونشرها بكل وسيلة في المساجد وفي المدارس وفي وسائل الإعلام وفي المجالس وفي البيوت وقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي عمل هؤلاء زائل وتالف وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك بالله قال أغير الله أبغي إلها وهو فضلكم على العالمين أي أنا لا أشرع لكم الشرك وهل هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العالمين يعني أنا عالم زمانهم أن عالم زمانهم أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ الزي donc ça c'est le danger de l'ignorance. L'ignorance peut t'amener même à rejeter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un grand danger. Et rien ne peut sauver de l'ignorance, excepté l'étude de la croyance correcte et de ta'akkud minha, c'est-à-dire tu dois, chercher à être certain que c'est la vraie aqidah. Et de l'enseigner, et de toujours la revoir, et de la faire revoir aux gens, et de l'enseigner aux gens, et de la faire propager par tous les moyens, dans les mosquées, dans les écoles, dans les médias, hein, que ce soit à la télé ou les, bon, ça c'est, si c'est possible, bien entendu, et dans les maisons, dans les lieux de rencontre, où les gens s'assoient, dans les salons ou autres, hein, de se rappeler de cette aqida. Et il mentionne la suite du verset à propos de Pharaon et à propos de Moussa et de son peuple lorsqu'ils ont demandé à Moussa de leur faire une idole. Il a dit, ce que ces gens-là font, d'adorer les idoles et tout ça, c'est complètement faux. Hein. Et, yani, pourquoi c'est faux? Parce que c'est le shirk. Hein. Tout ce qu'ils font, ça, c'est complètement nul et c'est complètement faux. Et donc, est-ce que je vais vous trouver autre que Allah comme objet d'adoration, alors qu'il vous a choisi parmi tous les peuples, hein, et qu'il vous a préféré parmi tous les peuples sur la terre? Donc, c'est comme si en réalité, Moussa, il leur dit, je ne vous permets pas de faire le shirk. Et est-ce que c'est de cette façon-là que vous êtes reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, après tout ce qu'il a fait pour vous? C'est comme ça que vous le remerciez en demandant d'adorer autre que lui en retour. Donc ça c'est pour dire en réalité, pour faire réfléchir les gens des fils d'Israël, pour leur faire réaliser que regardez, Allah vous a fait sortir d'Égypte, vous a fait sortir de l'esclavage dans lequel vous étiez avec Pharaon, et il vous a ouvert, fendu la mer pour vous, vous êtes traversé, il a fait noyer Pharaon et son peuple, et il vous a fait traverser tout ça, et regardez comme résultat, vous, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant, vous demandez qu'on vous fasse une idole comme les idoles de ces gens-là. Donc c'est pour montrer, hein, que c'est des gens ingrats. Et après, il dit, le chef, que ça c'était à l'époque de Moussa. Toutefois, actuellement, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le peuple, la meilleure des nations, c'est la nation ou la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et après le chef dit, فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية. ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثلهم. لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعزة، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما. الشيخ الزي que ça c'est le point qu'on voulait expliquer, c'est que de chercher la baraka d'un arbre ou d'une pierre, ça fait partie des exemples ou de la voie des mouchriquins, et ça fait partie de la religion de la jahiliya, de l'ignorance. Et celui qui fait ça, il imite les kuffars, et il est un kafir comme eux. Et il n'y a pas de différence entre celui qui adore les tombes ou celui qui adore Allah ou Al-Uzza. Et celui qui cherche la baraka des arbres, hein, et celui qui cherche la baraka d'une idole, il n'y a pas de différence entre eux. C'est-à-dire, c'est tous du shirk, tout ce qu'ils font. ففي هذا بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك، لأن موسى عليه السلام قال أغير الله أبغيكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك. واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا وإن اختلف اللفظ. Le Cheikh il dit donc, ça nous montre la fausseté de chercher la baraka des arbres, des pierres, et que ça fait partie du shirk, parce que Moussa alayhi salam, il a dit, il a appelé le fait de prendre la baraka d'un arbre ou d'une pierre, que c'était le fait de prendre un ilah, c'est-à-dire une divinité, un objet d'adoration en dehors d'Allah. Il a dit, est-ce que je vais chercher pour vous autre que Allah comme ilah? Et Al-Ilah, c'est Al-Ma'boud. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on l'appelle Ma'boud. Okay? On l'appelle Ilah. Donc c'est ça. C'est une forme donc de shirk. Et même si les mots, le vocabulaire qui est utilisé, c'est pas le même, mais la signification est la même. C'est-à-dire, même si c'est Zat Anwar, hein, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains nouveaux musulmans avaient demandé que le prophète leur donne un arbre pour accrocher leurs épées, comme les mouchriquins en avaient un, et les peuples de Moussa, eux, ils ont dit, donne-nous une ilah comme eux, ils en ont un, ou une idole comme eux, ils en ont une. Eh bien, même si c'est deux termes différents qui sont utilisés, la réalité c'est la même, d'accord? C'est-à-dire que pour les deux, c'est une forme de shirk. والآن عبادة القبور يقولون هذا ليس بشرك وهذا توسل وهذا محبة للأولياء والصالحين، وأن الأولياء أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. الشيخ الذكر لجاك يدعو لطوم aujourd'hui. Ils disent que ça, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du shirk. Ils disent que c'est seulement tawassul. Ils appellent ça tawassul. Hein, chercher un moyen de plaire à Allah. Et que le shirk, il dit que ça, c'est démêler, que ces gens-là, ils croient que ça, c'est démêler les hommes pieux et les awliya et les salihin. Et que les awliya d'Allah, ils n'ont pas accepté cette action-là de leur part. C'est-à-dire, les gens qui sont enterrés, là, sont dans leur tombe, et que ces gens-là vont adorer en dehors d'Allah, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ce que ces gens-là font. C'est comme par exemple Isa alayhi salam. Est-ce que vous pensez qu'il est d'accord que les chrétiens le prennent comme un dieu et qu'ils le prient en dehors d'Allah? C'est certain qu'il n'est pas d'accord avec ce que les chrétiens font. Hein? Et donc ça veut dire que même les gens qui soi-disant qui sont enterrés parmi les musulmans qui ont vraiment été des salihines et des mu'minines, eux ils ne sont pas d'accord avec ce que ces gens-là font avec eux. D'accord? Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un dua, il avait demandé à Allah, oh Allah, fais en sorte que ma tombe ne devienne pas une idole adorée. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Et donc, il a dit par la suite que la colère d'Allah, la colère d'Allah s'est endurcie pour, ou est devenue plus dure pour ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des mosquées. Donc, ça montre que le fait d'exagérer dans l'exaltation, la vénération des tombes, et de chercher la baraka des tombes, ça fait partie de les faire, ou de faire de ces tombes-là des idoles, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ فاختلاف الألفاظ لا يؤثر وإن سموه توسلا أو سموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما يقولون هذا هو الشرك سواء بسواء فالذي يتبرك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إلها وإن كان يزعم أنه ليس بإله فالأسماء لا تغير الحقائق إذا سميت الشرك توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم نقول الأسماء لا تغير الحقائق. Le cheikh il dit donc qu'il faut comprendre une chose, c'est que les noms qu'on donne aux choses, ça ne change pas leur réalité. Si quelqu'un, comme le cheikh il dit que moi qu'est-ce que je fais, c'est pas shirk, c'est le tawassul, ou qu'est-ce que je fais, c'est pas le shirk, c'est de montrer de l'honneur ou du respect pour les salihin, ou c'est pour montrer que je donne aux gens pieux, aux gens vertueux, je leur donne le droit qui leur revient, ils prétendent que, disons, de dire ça, d'expliquer ça comme ça, ça fait en sorte que c'est plus shirk qu'est-ce qu'ils font. Et le shirk, il dit, peu importe comment ils l'appellent, c'est du shirk. Comme je disais par exemple, avant que j'étais chrétien, je me souviens, subhanallah, on rentrait dans l'église, et ils ont mis une table avec une croix sur la table, avec Jésus qui est soi-disant crucifié sur cette croix. Et tous les gens se mettent en ligne, un par un, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les vieux, tout le monde, et un par un ils vont pour embrasser cette croix. Donc ça c'est, ils vont dire non, nous on n'adore pas cette croix, on n'adore pas cette idole ou cette statue. On fait juste lui montrer du respect. C'est une forme de respect. Cette forme de respect, comme ils prétendent, en réalité, c'est ça le shirk. Mais étant donné qu'ils ne veulent pas admettre ou avouer qu'ils sont des mouchriquins, ils ne vont pas l'appeler idolâtrie ou des choses comme ça. Ils changent le nom pour essayer de le rendre acceptable pour les gens. Ils lui montrent du respect. Et quand ils prient, ils se mettent à genoux devant la statue, puis là ils demandent. Ça c'est du shirk. Mais eux ils vont pas dire nous on fait du shirk. Parce qu'ils veulent pas admettre que ce qu'ils font c'est du shirk. Mais la réalité c'est que le nom qu'ils donnent à la chose qu'ils font, ça change rien à la réalité. L'important c'est pas le nom que tu donnes à la chose, mais c'est la réalité qui est derrière. Et ça peut pas changer. Donc, peu importe comment les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, peu importe comment ils essaient de changer le nom de qu'est-ce qu'ils font, la réalité, au fond, c'est qu'ils sont en train de les adorer et qu'ils sont en train donc de faire du shirk avec ces tombes-là. وفيه أيضا مسألة مهمة وهي أن حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. هؤلاء لهم مقصد حسن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم بل أنكر هذا لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير الممنوعة لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد ما قصد إلا الخير وهو ومن معه، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالتهم، وجعل مثل مقالة بني إسرائيل، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. Un autre point important que le cheikh mentionne, c'est que l'intention, ça suffit pas pour rendre quelque chose bon. Il y a beaucoup de gens parfois, ils ont l'impression que ils disent non mais on n'a pas une mauvaise intention, on fait quelque chose, ça c'est pour, on a une bonne intention, on veut faire le bien. Le fait que tu dises que tu veux faire le bien, ça rend pas ce que tu fais correct. Hein? Comme par exemple, eux c'est les sahaba qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur choisir un arbre pour qu'ils accrochent leurs épées sur cet arbre, comme les mouchriquines, eux aussi en avaient un. Ils n'avaient pas de mauvaise intention en demandant ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, rien n'empêche que c'est quelque chose qui amène vers le shirk, et donc c'est quelque chose de mal, même si tu as une bonne intention en le faisant. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de tashabbuh bil kuffar, c'est pas important que ton intention soit de les imiter pour que ce soit haram. Il y a des gens qui disent, ils imitent le kuffar, et après ils disent non, moi mon intention c'est pas d'imiter le kuffar. Le fait que ce ne soit pas ton intention, ça ne change pas le fait que tu es en train de les imiter. Et les imiter, c'est haram. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit par exemple aux gens de prier debout quand l'imam est assis, quand l'imam prie assis. Et la raison de ça, c'est parce qu'il a dit ça, c'est comme ça que les mouchriquins, ils vénèrent ou ils honorent leur roi de cette façon. Quand il est assis, eux ils se lèvent. Donc c'est pour montrer qu'on ne doit pas les imiter. Alaykoum salam. On ne doit pas les imiter, même si notre intention c'est pas de faire la même chose que les mouchriquins. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier après le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Il a dit, c'est les moments dans lesquels les mouchriquins adorent le soleil. Maintenant, ça c'est dans le but qu'on n'imite pas les mouchriquins, parce qu'eux ils font ça à ce moment-là. Donc même si toi tu dis, moi mon intention c'est pas d'adorer le soleil, donc je peux prier, non. Même si c'est pas ton intention de ressembler aux mouchriquins, t'as pas le droit de prier à ce moment-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, sauf si bien entendu c'est ذات أسباب, comme les ulama ont expliqué dans les livres de fiqh, si تحيات المسجد, ou des choses de ce genre. Ouais. Oui, c'est ça, duha ou des choses. Duha qu'il a fait après que le soleil est élevé d'une certaine hauteur, l'hauteur d'un arc. Sinon, pour le coucher de soleil, c'est pas permis de prier après le lever ou avant le coucher. Ça c'est juste des exemples que je vous donne pour montrer que l'intention du tashabbuh, c'est pas une condition pour que ce soit tashabbuh. Ok? Et aujourd'hui on est en train de faire des choses ou de vivre de certaines façons, hein, ou de s'habiller de certaines façons. À une certaine époque, si des musulmans nous aurait vu habiller de cette façon, comme on s'habille, certains d'entre nous, comment on s'habille, ils auraient cru qu'on n'est pas des musulmans. Ils auraient dit, ces gens-là, c'est des Français, ou c'est des je sais pas qui. Ils auraient dit, c'est pas des Arabes, c'est pas des musulmans, c'est pas des... Mais aujourd'hui, on est habitué à ça, parce que c'est devenu quelque chose qui est partout, c'est la règle, donc on est habitué, donc on pense que c'est correct. Hein? Donc c'est comme ça. Donc si les musulmans du 5e siècle, du 6e siècle arrivaient aujourd'hui puis ils nous regardaient, ils seraient ici à Montréal, ils ne pourraient pas savoir qui des fois, qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans. Hein? Et nous on dirait, on les trouverait, hein, peut-être dirait, eux sont habillés vraiment étrangement, parce qu'on ne s'est pas habitué de voir des gens habillés de cette façon-là. Donc versets pour montrer des fois comment on s'est éloigné et comment on a imité beaucoup les kuffars. Le cheikh il dit aussi, وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين لأن هذا يؤدي إلى الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبل أو من كان قبلكم أو من قبلكم وهذا فيه أيضا علم من أعلام النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فتقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله وهذا خبر وعليكم السلام الله أكبر نعم أوصيت للشيخ زي فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وتقوسهم أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بها نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة ونأخذ منهم البضائع ونأخذ منهم الأسلحة هذه أمور كانت في الأصل لنا يقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذه المنافع في الأصل للمسلمين ولكن لما تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة وليس هذا من التشبه وإنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين. Donc le cheikh il répète encore l'affaire qu'est-ce qu'on a expliqué à propos d'imiter les kuffars, mais il spécifie que en ce qui concerne les choses qui sont permises, on a le droit de les utiliser puis de les prendre. Les connaissances qui sont bénéfiques chez les mushrikins, on a le droit de les apprendre et on a le droit également d'acheter d'eux et de prendre des choses qui sont bénéfiques aussi pour les musulmans, des marchandises qu'ils vendent ou d'autres choses de ce genre. Il mentionne les armes ou d'autres trucs qui sont nécessaires. Donc, ça c'est permis. Et il dit qu'à la base même que ça c'est pour les musulmans. Et il mentionne un verset dans le Coran qui mentionne ce point-là. Il dit, qui a interdit les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir pour ses serviteurs et les bonnes choses parmi les subsistants comme le rizq. Il dit au messager d'Allah, dit à ces gens-là qu'elles sont pour ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, elles seront seulement pour les mu'minis. C'est-à-dire, dans cette vie, elles sont pour les croyants et pour les kuffars. Mais dans l'autre vie, dans l'au-delà, après la mort, elles seront uniquement pour les mu'minis. D'accord? Et c'est bien là, ces choses bonnes que les kuffars, les mushrikines ont aujourd'hui, qu'ils ont fabriquées et tout. Alors, à l'origine, elles sont pour les musulmans. Mais lorsque les musulmans ont été paresseux et qu'ils ils ont traîné en arrière, eh bien, ce sont leurs ennemis qui les ont pris et qui les ont utilisés. Hein? Donc, il n'y a pas rien qui empêche les musulmans d'utiliser ces choses-là parce qu'à l'origine, elles sont pour nous. Et ça fait pas partie, ça, d'imiter les kuffars dans ces choses-là. Comme d'utiliser les nouvelles technologies et tout ça, ça fait permis pour nous. C'est pas quelque chose, disons, qui est spécifique aux kuffar. Et il dit que aussi, c'est seulement interdit de les imiter dans les choses qui ont aucun bienfait dedans et qui n'ont aucune valeur. Ou des choses qui ont rapport avec l'adoration, la croyance et la religion. Et après, il dit, وَقَدْ يُقَالْ أَنْتُمْ تُحَرِّمُونَ التَّبَرُّكْ بِالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وفي حين أن الصحابة كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه أليس هذا تبركا بمخلوق؟ فالجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما انفصل من جسده لأنه مبارك فمن فصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء فإنه يتبرك به أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وما ذكر أن المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء لا برقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم فالتبرك لا يجوز لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجارة النبوية بالحجرة النبوية ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يجوز لأن هذه الأمور لم تكن منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من جسده صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نعرف الجواب عن هذه الشبه لأنهم يدلون بها. Le chef il explique, il dit, juste un point pour terminer, il dit vous interdisez aux gens de chercher la baraka des arbres ou des pierres ou des tombes, alors que les sahaba ils cherchaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en sa salive, ses cheveux, son wudu, l'eau avec laquelle il faisait le wudu, ils cherchaient la baraka de lui, et c'est une créature, donc pourquoi vous l'interdisez pour les autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chef il dit oui parce que ça a été spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la réponse, hein, ce qui fait partie de son corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qui est séparé de son corps, qui fait partie de son corps comme ses cheveux ou sa salive ou des trucs de ce genre, ça on a le droit de chercher la baraka avec ces choses-là. Et les sahaba ils ont fait ça durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a rendu ces choses-là bénies. Toutefois, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas permis. Que ce soit avec Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les Ashar al-Mubashirin bil-Jannah, les gens qui ont participé à Badr, ou qui ont participé à Al-Bay'at al-Ridwan, ou autres, c'est pas permis pour les musulmans de chercher la baraka de ces sahaba ou des autres, parmi les salihins. Hein? La preuve de ça, c'est qu'aucun des sahaba n'a fait ça avec aucun autre parmi les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pas permis de chercher la baraka de rien, hein? Que ce soit les arbres, ou les pierres, ou les individus, ou la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est enterré, ou la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même la Kaaba. Hein, n'importe quelle autre chose, même la pierre noire, hein, al-hajar al-aswad qu'on touche, on n'a pas le droit de la toucher en cherchant la soi-disant une baraka. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, quand il l'a touché, il a dit je sais que tu es une pierre, la tanfa'a wa la tadur, hein, tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux pas me profiter, tu ne peux pas me nuire, hein, donc il n'y a rien qui donne une baraka que si tu le touches tu vas avoir une baraka, non. C'est quelque chose qui fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes ces choses-là, ça n'a pas rapport avec le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne peut pas prétendre qu'il y a une baraka là-dedans. Contrairement aux soufis, qui touchent à toutes choses qui prétendent avoir une baraka dedans, ou même à leur chouyour, hein, ils croient que leurs chouyour ont une baraka, et donc ils commencent à les toucher et à les, car ils essaient de toucher à quelque chose de leur corps ou de leurs vêtements. Des fois même une partie de leurs vêtements, après leur mort, ils les gardent sur eux et ils croient que ça peut les protéger ou que ça leur donne une baraka. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam et ça, c'est des formes de shirk et donc on doit s'en écarter. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.